avec elle. Maintenant, je ne suis plus sans elle. Que le reflet de ses pensées qui me vont droit au cœur, qui m'ont touché. J'ai des pensées qui me vont encore droit vers elle. Comme une fusée qui va de la terre au ciel. Pensée si profonde que je me noie. Emporté par un tourbillon de vent, je tournoie. Au-dessus et au-devant, je fais face à chaque opportunité sans me voiler la face. En me disant bien que le bonheur était à portée de main. Tout est de savoir en garder pour le lendemain. Ne pas se précipiter pour ne pas oublier. Qu'il faut le savourer pour ensuite faire à l'idée. Qu'il faut se laisser du temps pour ne pas se planter. Je pense parfois encore à toi. Toi qui m'avais envoûté. Si mes pensées vont vers toi, c'est pas ma faute à moi. Si tu m'avais ensorcelé, je pense à toi encore parfois. Toi qui m'avais envoûté. Si mes pensées vont vers toi, c'est pas ma faute à moi. Si tu m'avais ensorcelé. Avant, je ne pensais qu'à elle. Je me voyais faire ma vie avec elle. Être dans ses bras du matin au soir. Pour ne plus entendre parler de désespoir. L'amour m'avait donné des ailes. Et je volais à tire d'aile. Sans me soucier du jour qui pouvait arriver. Où l'amour m'avait repris ce qu'il m'avait donné. Ce cadeau si précieux qui comptait à mes yeux. D'être avec celle qui m'avait apporté l'amour. Je m'étais senti au paradis tout en haut des cieux. Sans me soucier que j'en tomberai un jour. Je ne suis entretenir cette relation. J'étais devenu aveugle suite à cette passion. J'ai foncé droit dans le mur sans voir la raison pour laquelle elle m'a quitté un jour. J'ai été con. Je pense parfois encore à toi. Toi qui m'avais écouté. Si mes pensées vont vers toi, c'est pas ma faute à moi. Si tu m'avais ensorcelé, je pense parfois encore à toi. Toi qui m'avais envoûté. Si mes pensées vont vers toi, c'est pas ma faute à moi. Si tu m'avais ensorcelé. Maintenant je sais pourquoi tu m'as quitté. Plus le temps passe, plus je dois te pardonner. Tu es parti loin de moi pour mieux oublier. Sans laisser de traces comme pour t'effacer. Je dois te laisser faire ton chemin vers ta destinée qui n'est plus mienne. Je me suis fait depuis une raison certaine. De te laisser en paix pour assouvir ta volonté. Et c'est ainsi que je me prie en garde pour exaucer ce vœu qui t'est très cher pour continuer. Ainsi dans cette voie car j'aurai plus de facilité à t'oublier pour que seulement restent les bons souvenirs. Souvenirs qui me sont très chers encore envers toi. Qui me font dire que tu étais celle qu'il me fallait autrefois. Mais ton image reste en moi, dans mes pensées. Je pense parfois encore à toi. Toi qui m'avais envoûté. Si mes pensées vont vers toi, c'est pas ma faute à moi. Si tu m'avais ensorcelé, je pense à toi encore parfois. Toi qui m'avais envoûté. Si mes pensées